les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les cataclysmes météorologiques vécus en Europe occidentale, n'ont rien de naturel. Comme bien souvent dans leurs aventures pourtant communes, Mortimer suit une piste, tandis que Blake en suit une autre. Paris, Buc, jouit en Josas. La poursuite sur la ligne de Sceaux, à nouveau Paris, rue de Vaugirard, le décor est français. Pour ces histoires du temps qu'il fait, vécues par nos deux British. Le très, très mauvais temps qu'il faisait à la fin des années 50, c'était dans le journal de Tintin, et au début des années 60, c'était à la radio sur France 2 régionale. Et les petits auditeurs de l'époque pouvaient suivre ces aventures, s'inquiéter, frissonner, nourrir des soupçons. Car quand Blake, le capitaine, et Mortimer, le professeur, enquêtent quelque part, Ulrich, le colonel Ulrich, n'est pas loin. Première diffusion des épisodes 13, 14, 15 et 16, plus le courrier des lecteurs qui demandent des dessins de Tintin, les 10, 12, 14 et 17 avril 1962. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 13e épisode. Le capitaine Blake de l'Intelligence Service a la conviction maintenant que quelqu'un dans la région parisienne détraque le temps sciemment, scientifiquement. Et nous savons que le trop fameux Ulrich fait partie de la bande. Malheureusement, le professeur Mortimer, qui enquêtait aux environs de Jouy-en-Josas, a disparu. Depuis, Labrousse et Blake, certains d'avoir relevé une bonne piste, montent un plan d'attaque contre les inconnus. Mais ceux-ci ne sont pas des débutants et, en coupant le téléphone et en sabotant la voiture du professeur Labrousse, ils isolent les deux hommes qui tentaient d'alerter la DST. Pourtant, Blake réussit à s'enfuir par les champs et il gagne la gare la plus proche. Pendant ce temps, un homme de la bande pénètre dans la villa pour neutraliser nos deux amis. Les mains en l'air, j'ai dit. Mais qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait, Catherine? T'inquiète pas, elle est au frais dans la cave. Et maintenant, laisse-moi passer, j'ai un mot à dire à mon copain Blake. Blake? Mais voyons, mais je ah, connais ça pas... Ça va, allez, place, j'ai dit! N'approchez pas de cette porte. Ah, oh, lâche, j'ai dit! Ah! Mille diables, il a filé! Oui, Blake, repère. Oui, Blake. Mais lâchez-moi, espèce de brute! Tu vas répondre, dis où est Blake? Par où est-il parti? Réponds! Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais te rafraîchir la mémoire, moi. Laissez-moi. Je ne sais rien. Je ne dirai rien. C'est ce que nous allons voir. Alors, une fois. Où est ce cher Captain Blake? Deux fois. Pendant ce temps, Blake est redescendu dans le pays. Il lui va falloir maintenant traverser la rue... 10 mètres derrière la custom bleue dans laquelle se trouve encore Freddy. Oui, maintenant, le plus difficile reste à faire avec cet homme au volant, pourvu que je ne glisse pas. Bon, il faut y aller. Go! Arrêtez! Arrêtez où je tire! Stop! Raté. Vite! Il faut prendre un charquet. Freddy, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, vite, viens, il a fichu le camp. Ah, alors, à la bagnole, et planque-toi dans ce cas. Tu n'es pas fou, non, de faire des cartons dans la rue? Ah, tu me fais bien rigoler. Qu'est-ce qu'il fallait faire, d'après toi? Non, en tout cas, pas ça. Bon, allez, appuie. Hey. Ma parole, tu dors. Il faut la voir avant qu'il atteigne la gare. Ah bah tant pis, je vais contourner le bloc. Ok. Ah, tu parles d'une patinoire. Si jamais on se ramasse pas... Ah, fonce, je te dis. Oh, là-bas, c'est Louis. Oui, oui. Dans le virage. Allez, on va le coincer. Oui. Attention, tournant. Oui. Freine, mes freins, don't eat John. Oh, dis, ça glisse. Oh, attention, toi. Trop tard. Vite, les gars sont assommés. chance est avec moi. Mais comment faire? Oh, ce fourgon postal. Allons-y. Mon fourgon! Mon fourgon! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Oh, le bandit, donc! Sous mes yeux, là! Et en plein jour! Ah, ça, alors! Oh! Les gardes de l'américaine qui se réveillent! Dites, messieurs... Qu'est-ce qu'il y a? Pas trop de bobos, là, après le choc? Non, ça va. Et le moulin marche encore. Une chance parce qu'on vient de me piquer mon fourgon postal. Un grand gars en imperméable clair. Oui, c'est ça. Il vient de tourner à droite, là-bas. Si vous vouliez m'en... Et justement, nous le poursuivions. Oui, on est de la police. Il a tourné à droite, vous dites? Oui, attendez, je vous accompagne. Et pas le temps. Allez, vas-y, Freddy. Dès que j'aurai atteint Massy par les eaux, je téléphonerai à Pradier. Je me demande comment je m'en serais tiré si les autres n'étaient entrés dans le mur. Mais il n'y a pas à se faire d'illusions, c'est une lutte à mort que nous engageons. Et ils iront jusqu'au bout. Oh, un passage à niveau, la ligne de Massy sans doute. Bon sang, la barrière! Il faut que je passe. Il le faut. Il le faut. Il était temps. Et si tout va bien, dans un quart d'heure, je les aurai semés. Allô? Allô, la gendarmerie? Ici, la cabine de Jouy. Oui, dites donc, on vient de me voler mon fourgon postal. À deux pas de l'Institut zoologique. Comment? Mais non, je ne plaisante pas! Hein? Oui, oui, un grand type blond en gabardine claire. Comment? Ah, ça, non, t'as aucune idée. Hein? Hein? Ben, en direction de Massy-Palaiso. Oui, mais il a déjà des gars de la police aux trousses. Dans une grosse voiture américaine. Ah, mais si, je vous dis, mais si, américaine, ça, j'en suis sûr. À des barrages. Bon. Bon. Oui, entendu. Merci. Ah, enfin! Ah, j'ai cru qu'elle ne se rêverait jamais, cette maudite barrière! Allez, vas-y, Freddy! Oui. Et gaz! Allez, gaz! Il faut rattraper les 4 minutes que nous avons perdues! Ouais, mais si on emboutit encore un obstacle, on en perdra encore davantage! Ah, fonce, je te dis! Avec tous ces tournants, c'est impossible! La cochonnerie de temps! Mais dis donc, j'y pense. Et le professeur Labrousse? Alors qu'il est, il a déjà dû évacuer les flics. Oh, pas de danger. Avant de filer, je l'ai envoyé rejoindre la bonne dans la cave. Après lui avoir mis un bon petit coup sur l'occiput. Of course. Oh, une ligne droite. Charquet. Hein? Charquet, là-bas, au bout. Oh! Oh, le fourgon vient piloter par notre cher ami. Ah, cette fois, Blake, ça commence à sentir le roussi pour toi. Ouais. Allez, vas-y, Freddy, vas-y. Allez, plein de dur. Fais-moi confiance. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Jean Ozen, le professeur Labrousse, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Jacques Muller, le postier. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ce soir encore, chers amis auditeurs, je viens passer quelques instants avec vous pour vous parler des lettres que vous nous envoyez et pour répondre aux questions que vous nous posez. Et tout d'abord, je vous remercie tous de nous écrire, toujours aussi nombreux et de façon si charmante. Vos lettres et vos dessins sont toujours accueillis avec un très très grand plaisir. Luc Jäger de Vaucresson figure lui aussi sur notre liste pour le dessin. Et merci, Luc, pour votre idée de concours. De même également pour Richard et Elisabeth Sommer de Paris, qui nous donnent eux aussi une idée de concours. Un grand, très grand bravo à Daniel Jardin de Domary-les-Lys, en Seine-et-Marne, pour le dessin, si je puis dire, très original qu'il nous envoie. Il a en effet travaillé un fil de cuivre et lui a donné la forme de la tête de Milou tenant un os dans la gueule, et a collé le tout sur une feuille de carton. C'est vraiment très très joli et très bien fait. Merci également, Daniel, pour vos idées de concours. Je remercie, toujours au sujet des idées de concours, Dominique, Pascal et Fabienne Meyer de Choisis le roi. Et à propos de cette lettre, je voudrais vous rappeler, chers petits amis, qu'il est absolument inutile de joindre un timbre à vos lettres. L'envoi de dessins ou de réponses de notre part est absolument gratuit pour vous. Et voici encore une idée de concours. Elle nous vient de Gérard Mazard de Montpellier. Et Gérard joint à sa lettre un très beau dessin qu'il a fait pour Tintin. Merci Gérard pour tout cela. Tintin vous envoie ses amitiés. Et d'accord, bien sûr, pour le dessin d'Hergé. Merci également à Michel Sainte-Anne de Bois-Rouge-Saint-Paul-Réunion pour sa très gentille lettre. Mais rassurez-vous, Michel, pour le concours, vous recevrez tous les renseignements au moment nécessaire et nous vous indiquerons exactement la marche à suivre. Tintin et Milou m'ont chargé de vous remercier et de remercier tout spécialement Jacques Nico pour tous les baisers qu'il leur envoie. Il y en a plus de 1000. Et à leur tour, bien sûr, ils t'envoient une grosse bise. Tu recevras également le dessin d'Hergé représentant tes amis. Rassurons également très vite Michel Mauger qui habite Le Trait en Seine-Maritime. Il recevra le dessin d'Hergé ces jours-ci, ainsi que son petit frère Patrick. Merci à Michel pour sa lettre charmante et tout enluminée de magnifiques dessins. Le capitaine Haddock a très bien reconnu sa casquette et sa pipe. Quant à Milou, si naguère apprécié l'araignée, l'os par contre lui a beaucoup beaucoup plu. Tintin te remercie pour son portrait et t'envoie un très grand bonjour. Bravo François Le Sabre pour ton dessin et merci de ta lettre. Tu es inscrit, bien sûr, pour recevoir le dessin d'Hergé. Avant de nous quitter, chers amis, nous vous rappelons encore une fois notre adresse. Les Grandes Aventures de France 2 RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner sur votre lettre elle-même vos noms, prénoms et adresses complètes. Ceci, le plus lisiblement possible, bien sûr. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité... Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Avant de reprendre le fil de cette aventure, nous aimerions avoir votre sentiment sur cette nouvelle série passablement mouvementée. De nouveaux personnages très connus vous sont proposés. D'autres genres de péripéties où se mêlent le policier, la science-fiction et l'espionnage. Alors, que pensez-vous de Mortimer ? Bien sûr, ces nouvelles histoires s'adressent surtout aux grands et aux adultes, et c'est surtout l'avis de ceux-là que nous voudrions avoir. L'avis des parents aussi nous serait très précieux. Alors n'hésitez jamais à nous écrire pour nous confier votre opinion, pour nous faire des suggestions ou des critiques, pourquoi pas, pour nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. C'est grâce à cette collaboration, vous le savez, que nous avons toujours sollicité d'ailleurs, que l'équipe de la RTF a réussi à rallier un nombre de suffrages dont nous aurions tort de n'être pas satisfaits. Alors, si vous le voulez, à vos plumes, amis de tous âges, et à bientôt pour les réponses au courrier. Mais en attendant, place à l'aventure. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 14e épisode. Le professeur Mortimer a disparu au cours de l'enquête qu'il menait seul dans les environs de Jouy-en-Josas, et vous savez maintenant de quel maléfice il a été victime. Ses amis Labrosse et Blake, à leur tour, font une enquête et tombent bientôt sur une piste sérieuse. La DST est alertée car il s'agit d'une bande internationale. Mais avant qu'on ait pu neutraliser les éléments repérés par Blake et Labrousse, la mafia contre-attaque et isole nos deux amis. Blake parvient cependant à s'échapper et fonce maintenant vers Massy-Palaiso dans un fourgon postal qu'il mène à tombeau ouvert par les routes enneigées. Quelques centaines de mètres derrière lui, la Ford bleue, dans laquelle ont pris place Charquet et Freddy, qui se font passer pour des policiers poursuivant un voleur. Les gendarmes ont été prévenus et des barrages mis en place. Mais plus vite, Freddy, plus vite! Je te dis que cette fois, on se le fait, le Black. Ouais, eh bien moi, je vous devrais déjà en avoir fini. Ouais. Dis-moi, une question, Charquet. Je t'écoute. Si notre beau capitaine de l'intelligence service ne se laisse pas intimider... Ah, dans ce cas, tant pis pour lui. Ça ferait un agent de moins. Mais ma parole, Il marche au kérosène, ce zèbre. Des gendarmes. Ils me font signe de stopper. Oh, voyons, si je m'arrête, les autres m'auront rejoint avant que j'aie pu m'expliquer. Et alors? Bon, en conséquence, il faut que je force le barrage. Attention, brigadier! Le bandit! Prends les gardes! En voilà une deuxième! Dégagez, trochu, dégagez! Ma parole, ces gars-là sont timbrés. Roulez à cette vitesse sur une route enneigée. Mais vous avez vu, brigadier, on aurait dit que la seconde, américaine, poursuivait la première. Ce sont sûrement les policiers signalés par le postier. Sans doute. Je vais avertir tout de suite la brigade. Allô? Allô, j'écoute. Ici le carrefour de Saclay. Le fourgon signalé vient de passer à toute vitesse et fonce en direction d'Igny. Une grosse américaine bleue l'a prise en chasse. Terminé. Merci, j'alerte tout de suite les motards. On va bien finir par la voir. Alors, brigadier? Cette fois, ce sont les motards qui vont s'occuper de lui. Alors je lui souhaite bien du plaisir. La distance diminue entre les deux voitures. Cependant, le fourgon postal vient d'atteindre Igny. Allez, voilà! Oui, mais attention! Faut pas se faire prendre en sandwich par les gars de la sûreté. Ne t'inquiète pas, on les laisse passer et on démarre! Tu y es? En avant! Attention au virage! Je vais en profiter pour doubler l'américaine! Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ils veulent avoir tout l'honneur de la capture! Mais bon sang, ils sont fous! Attention! Ils vont nous coincer! L'accident s'est produit à l'endroit où la départementale 117 contourne le collège Saint-Nicolas. Au moment où le premier motard allait dépasser la Ford bleue pilotée par Freddy, celui-ci a donné un coup de volant à gauche. Impossible de freiner sur la route enneigée. Le policier, lancé à toute vitesse, a tenté l'impossible, mais son engin est venu emboutir de côté la première moto et les deux malheureux ont été projetés à plusieurs mètres. La Ford bleue fonce maintenant sur la route déserte qui, à quelques centaines de mètres, coupe la ligne de chemin de fer desservant Massy-Palaiseau. Bien joué, Freddy. En voilà toujours deux qui ne nous gêneront plus. Ouais, à condition de pas moisir en route. Oh, regarde! Le passage à niveau, la barrière se baisse. Ah, cette fois, Monsieur Blake, vous arrivez trop tard. Coincé, stoppé, à notre merci. Allez, vas-y, Freddy, il peut plus nous échapper maintenant. Tiens, voilà le train pour Paris. Oh, cherchez. Il saute. Tonnerre! Il saute par-dessus la barrière. Mais il est dingue, il va se... Oh, il s'accroche au dernier wagon, ça y est. Il nous échappe encore. Freddy, Freddy, Freddy, Freddy, le fourgon. Non, mais trop tard. Allez, vite, dehors. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ah, il nous a eu, l'English. Gonflé, hein? Et comment? Et dans 5 minutes, il sera à Massy-Palaiseau, et là, il prendra le métro pour Paris, et puis après... Attends! Ah, il faut coûte que coûte l'empêcher de contacter la DST. Allez, retournons à la voiture, en route! Oh là là, dis donc... Il a un peu cabossé son fourgon, hein? Ouais, ça, je m'en balance. J'espère que notre tir marche encore, sinon... Elle en a vu l'autre depuis quelque temps. Ouais, ouais, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Ouais. Bon, Charquet. Quoi? Tiens. Les deux types de la gare, là-bas. Ils viennent par ici et pas l'air contents. Ouais? Eh bien, ceux-là, ils auraient intérêt à ne pas trop me chatouiller. Laisse-les approcher. Non, pas de blague, hein, Charquet. C'est pas le moment. Ne t'inquiète pas. Mes mauvaises intentions... Je les garde pour Blake. Le capitaine Blake. Allez, vite, on file. Hé, là-bas! Je ne vais pas partir comme ça! Qu'est-ce que c'est ça? Et le fourgon postal dont vous aviez défoncé l'arrière? Nous sommes témoins! Police! Nous poursuivons justement le conducteur de cette camionnette. C'est un dangereux voleur d'auto et il a sauté dans le train en marche. Nous allons le coincer à Massy. Ah, alors dans ce cas, inspecteur, excusez-moi, je ne savais pas. Mais si vous voulez, je vais téléphoner à mon collègue de Massy. Non, pas la peine. Allez, Freddy, on reprend les chasses à l'homme. Bonne chance. Merci. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Gaëtan Jor, le brigadier de gendarmerie, Nicolas Amato, un gendarme, Jean-Claude Rey, le commandant, Gilbert Robin et Jacques Lassalle, les motards. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 15e épisode. La poursuite continue, et aussi paradoxal que ça paraît, ce sont les bandits qui poursuivent. Le gibier, c'est le capitaine Blake, ami de Mortimer. Il veut coûte que coûte atteindre le siège de la DST à Paris, car il a relevé les indices qui pourraient permettre à la police de neutraliser une dangereuse mafia. L'activité de cette bande internationale consisterait en effet à perturber les saisons en provoquant artificiellement des catastrophes naturelles. Pour l'heure, Blake vient d'échapper de justesse aux deux tueurs lancés à ses trousses, Freddy et Charquet. Notre ami a accroché en voltige le train qui roule maintenant en direction de Massy-Palaiseau. Sapristi, avec cette neige fondue, je suis frigorifié, moi. Et cette portière est fermée à clé. Voyons, où sommes-nous ici? Ah, on approche enfin de Massy-Palaiseau. Et pourvu que les autres aient abandonné la poursuite. Et puis, il s'agit de ne pas me faire repérer par les employés. J'ai peut-être été signalé. Ralenti. Parfait. Attendons encore un peu. C'est le moment. Un, deux, trois. Et maintenant, il faut que j'arrive au quai du train de Paris. Pas question de prendre des tickets. Hein. On enjambe la balustrade et on gagne les quais directement. Dac, rien de normal là-dedans puisqu'on est de la police et qu'on poursuit un voleur. Allez, allez, presse, Freddy. Il faut repérer notre ami au plus vite et le stopper définitivement. Oui, et ça ne doit pas être très difficile. À cette heure, il n'y a presque personne dans la gare. Hey, par ici, il faut faire tous les quais. Oui. Et les bandits commencent à explorer la gare de Massy-Palaiseau, minutieusement, implacablement. Tout à coup, Charquet saisit le bras de Freddy et s'arrête. Là-bas, c'est lui! Oui, mais nous ne sommes pas sur le quai de Paris. Malédiction! Blake va encore nous échapper. Il court pour le prendre en tête. Ah, tant pis, on traverse la voie. Arrête! Ah! Ouf, j'ai eu chaud. Dans ta rage, tu l'avais pas vu arriver, celui-là, hein? Ouais, c'est ce maudit Blake. Ce gars-là, il hante ma vie. Toujours et toujours, je le trouve sur ma route. Il m'obsède, et partout, dans tous les pays. Oh, il finira par me rendre fou, je te dis, Freddy. Mais non. C'est sa dernière aventure, à Blake. On va bien finir par le posséder. Mais demain, oui. Regarde, les quais sont déserts. Il a réussi à prendre le train de Paris. En avant, Freddy! À la voiture! Il faut le rattraper, rattraper le métro, le devancer, monter dedans avant Paris! Allez, suis-moi, Freddy, vite! Mes foires de charqué! Blake, tu me paieras ça! Les deux brutes sautent dans la Ford bleue et reprennent la route à toute vitesse en direction de Paris. Charquet déplie une carte et, le sourcil froncé, étudie l'itinéraire. C'est comme si j'y étais. Notre homme va essayer d'aller à la DST tout de suite. Et je suis sûr qu'il va s'y rendre en métro. Il faut donc l'intercepter avant d'enfer Rochewood. Ah oui, la correspondance avec le réseau urbain. Ouais. La station d'avant, c'est Cité Universitaire. C'est là que je l'attendrai. Une fois dans le même métro que lui... J'ai compris, Charquet. Tu mets en application une de tes méthodes. Et pour Blake... Ce sera la meilleure, je te garantis. Ok. Toi, tu iras jusqu'au terminus du Luxembourg, où tu m'attendras. Tac. Dis donc, on ne devrait pas tarder à arriver. Non, on traverse gentil, on y est presque. La grosse voiture arrive bientôt boulevard Jourdan devant le métro Cité Universitaire. Un grand coup de frein, Charquet jaillit de la voiture comme un diable de sa boîte et s'engouffre dans la gare. Eh bien, il était temps. Une minute plus tard, il me filait sous le nez. Mais cette fois, mon ami, nous allons nous trouver sur la même galère. Et un train, ça n'a pas de double fond. Oh, quel monde, bon sang! Voyons le dernier wagon. Ok. Doucement. Là, ah, il faut bien que je monte, non? Et maintenant, mon petit, en chasse. Ah, mais allez-y doucement, mon vieux. Mais pas parole. Il se croit tout seul, celui-là. Ah, fais excuse, ma petite dame, mais je me suis trompé de wagon. Oh, voilà une raison. Oh, donc, quel bruit. Ah, non, mais il y a des gens sans gêne, quand même. Non, mais regardez-moi ça, il faut qu'il parle. Ah, ça va, ça va. Pardon. Excusez-moi. Mais ben oui, quoi, je m'excuse. Je peux pas faire mieux, non? Dieu, au bout du wagon. Eh oui, pas de doute, c'est lui. Cette crapule de Charquet. Je ne l'avais pas revu depuis l'histoire de la Grande Pyramide. Ah, il n'a pas embelli. Oui, mais maintenant il s'agit de se faire tout petit et de filer vers l'avant. Il approche. Heureusement qu'avec cette foule... Pardon, madame. Excusez-moi. Oh, pardon. Ah, on approche de l'enfer... Il va falloir jouer serré, sinon... Mêlons-nous à la foule. Oh, goddam. Le Cory est descendu avant moi, il surveille la sortie. Comment faire? Ah, c'est une solution. Il faut que je remonte dans le train au moment où il repartira. En attendant, Blake, mon ami, évite de te faire voir. C'est le moment. Oh, malheur! Il est remonté dans le train. Je suis repéré maintenant. Enfin, nous verrons bien. Je vais toujours... Oh, pardon, monsieur. Je vais toujours passer dans l'autre wagon. Maintenant qu'il m'a vu, Il va foncer comme un taureau et si je me laisse coincer dans la première voiture, mon compte est bon. Oh, Eureka! Ces échelons de fer! Sauvez, Blake, sauvez! Je vais monter sur le toit. Allons-y! Pendant que Blake s'allonge sur le toit, Sharkey fouille tous les wagons. Tim! Il ne s'est pourtant pas évaporé! C'est extraordinaire! Je l'ai pourtant vu sauter dans le train. Et où se cacher ici? Ce n'est tout de même pas une demi-portion, ce Blake. Ah, je vais refaire tout le train. Il faut que je le trouve. Ah, c'est pas ce qu'il faut. Non, non, mais on va vous parler d'un endroit pour faire du footing. Ah, ah, cela, si j'avais le temps. Hé, attention. Mais par tous les diables, cette échelle. Je parie que. On arrive à une station. Blake! Enfin, je te tiens! Pas encore, Sharkey! Avec ce revolver, tu n'iras pas loin, sale mouchard! Je vais te tirer comme à la foire! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Maurice Ténac, le capitaine Blake, Fernand Rosena Sharkey, Serge Sauvion Freddy, Clément Béram le contrôleur et Arlette Balkis, Jean-Jacques Steen, Jacques Muller. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforg. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet. Nicole Strauss et Jacques Langet ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 16e épisode. Après avoir failli plusieurs fois tomber aux mains de la mafia, le capitaine Blake a sauté in extremis dans le train de Massy-Palaiseau à Paris. Mais dans le métro, Sharkey, le tueur, traque notre ami. Et à la station Port-Royal, il finit par le découvrir sur le toit d'un wagon. Il sort son revolver. Ah, cette fois, Blake, tu ne t'en tueras pas. Cet Oscar 765 ne m'a jamais trahi. Crapule. Aïe. So long, Sharkey! Ah, bon sang! Un peu plus, j'ai passé sous le train, moi. Heureusement que j'ai réussi à attraper cet échelon. Et l'autre s'est sauvé. Ah, damn, damn, damn! À Luxembourg, comme promis, Freddy attend Sharkey. Alors, il m'a filé entre les doigts pour Royal, par la verrière, au-dessus du quai. Un vrai numéro de cirque. Mais je t'expliquerai. Mais Port-Royal, ça mène nulle part, ça. Eh non. À moins que... Oh, mille diables. Au lieu d'aller à la DST, il est capable de faire une descente chez... Mais oui. Mais c'est qui? Allez, vite, Freddy, à la bagnole. J'y. Elle est garée devant le jardin du Luxembourg. Tonnerre. Des flics. Ils vous attendent. Ouais. Inutile d'insister. La custom a été signalée partout. Et puis en plus, tu es en infraction à ces malins. Ah, que faire maintenant? Hey, t'inquiète pas et suis-moi. C'est pas encore ce soir qu'on sera chômeur. Mais pendant ce temps, Blake a pris un taxi à Port-Royal. Un taxi qui vient de le déposer devant le 69 bis de la rue de Vaugirard, domicile de la Brousse. Quelle bonne idée la Brousse a eu de me confier sa clé. Entrez. Bonsoir, madame. Le professeur Labrousse m'a confié un message pour M. Henry. Est-ce qu'il est chez lui? Oh, oui, oh, sûrement, monsieur. Il n'a pas bougé d'ici depuis midi. Merci, madame. À votre service. Vous savez où c'est? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon. Maintenant, il s'agit d'être prudent. Voyons. Parfait, l'oiseau est au nid. Et maintenant, chez la Bruce. Inutile d'allumer, ça risquerait d'attirer l'attention du voisin, ce n'est pas le moment. Well, le téléphone, je préviens Pradier tout de suite. N'oublions pas l'ABC du métier, une petite inspection des lieux d'abord. Rien ici. Voyons les moulures maintenant. Oh, mais oui, je le tiens. Un microphone dissimulé près du plafond. Plus de doute maintenant. Cet Henri est bien celui que nous cherchons. Le voilà débranché, parfait. Plus une seconde à perdre. Allô, DST? Je voudrais le commissaire Pradier, urgent. Allô, ici le capitaine Blake. C'est vous, Pradier? Comment? Appelé au ministère de l'Intérieur? Ah, mais c'est qu'il s'agit d'une question de minutes. Comment? Oui, c'est ça. Oui, essayez de le contacter, c'est extrêmement urgent. Merci. Fâche de contretemps. Voyons, que faire en attendant Pradier? Pourvu que l'autre à côté ne se... Oh, et puis le mieux encore est de surveiller sa porte. Ou plutôt, non, sa fenêtre. Tant qu'il y aura de la lumière, ça signifiera que notre homme est là. Voyons ça. Good Lord, sa fenêtre est ouverte. Une chance unique. Je vais essayer de me glisser jusque-là. Il n'y a guère qu'un 1,50 m entre les deux fenêtres. Ouais. Oui, oh, ça ira. Oui, je pourrais mettre mon pied ici. Voilà, ça y est. Personne dans la pièce. Allons-y. Alors, je n'entends rien, mais... Comment? Encore ce... C'est incroyable. Cette voix, mais on dirait... Alors, il vous a roulé une fois de plus. T'es incapable. Incapable, j'ai dit. À ce dont je parle. Allô, oui. Oui, tu es sûr? Bon. Alors, on a encore une chance. Ça va. Je fais le nécessaire, oui. Mais si ça se goupille mal, vous aurez de mes nouvelles, t'es un idiot. Cela, je les liquide à la première occasion. Mon pistolet mitrailleur... Allons jeter un petit coup d'œil dans l'escalier. Décidément, les nouvelles vont vite. J'ai l'impression qu'on est un peu paniqué ici. Mais cette voix, où l'ai-je entendue? Il me semble que... Rien d'anormal, j'aime mieux. Hein? Ça va me laisser du temps pour faire disparaître certaines pièces. En cas de... Voyons les dossiers. Oui, c'est ça, c'est ça. Hein? Ouais. Tiens. Une tout ça, allez, au dans le mur. Feu, là. Un microfilm. Ah, message. Hop, rapport. Voilà. Bon, allez, hop. Tonnerre, ce... Mais bon sang, on pourrait me voir d'en face. Les doubles rideaux. Oh, les mains. Reculez. Quoi? Allons, reculez. Plus vite que ça, dos au feu. Mais que voulez-vous, je ne comprends pas si c'est de l'argent que vous voulez... N'essayez pas de me donner le change. Non, n'approchez pas de cette table. Mais je vous dis de vous éloigner de la table. Vous avez déposé votre pistolet mitrailleur. Mais vous faites erreur, je vous assure. C'est un très beau Beretta, dernier modèle. Compliment, monsieur Henry. Voilà, j'aime mieux vous voir là-bas. Car maintenant, le pistolet, c'est moi qui le prends. Mais je vous assure... Rien du tout. Car cette arme est en parfait état, et vous l'avez chargée vous-même il y a un instant. Heureusement d'ailleurs, car ce n'est pas avec cette malheureuse pipe que j'aurais pu vous intimider. Tonnerre ! Ah oui, le vieux coup de la pipe qui gonfle la poche a encore réussi. Une pipe ! Je me suis laissé avoir comme un débutant. Parfait. Je vois que sous l'effet de la surprise, vous oubliez votre accent de pacotille. Je crois que par la même occasion, vous pourriez aussi vous débarrasser de votre perruque et de vos moustaches postiches. En effet, capitaine Black, c'est aussi mon avis. Voilà. Vous avez devant vous votre vieil ennemi, le colonel Ulrich. Il faut donc que je vous retrouve toujours sur ma route. Que voulez-vous, capitaine? Le monde est si petit. J'ai l'impression que maintenant le monde va encore se réduire pour vous. Que voulez-vous dire? Oui, elle pourrait bien se réduire aux dimensions d'une cellule. Vraiment? En êtes-vous si sûr, capitaine Black? What? Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météore, avec Maurice Ténac, Blake, Maurice Nasil, Ulrich, Fernand Rezena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Raymond Vatier, Madame Petit. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ces épisodes, 13, 14, 15 et 16, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 10, 12, 14 et 17 avril 1962. À suivre.